Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission médicale À votre santé. Le thème du jour est la chirurgie esthétique. Dépenser une petite fortune dans la chirurgie esthétique est une pratique courante aujourd'hui. Les actes de chirurgie esthétique se banalisent au nom du mieux-être. Phénomène de mode ou phénomène de société ? En direct sur notre plateau pour en parler, le docteur Moisan, chirurgien plasticien qui exerce dans une clinique privée à Versailles. Nous écouterons également le témoignage de plusieurs auditeurs. Pour commencer, quelques chiffres sur la chirurgie esthétique. 350 000, c'est le nombre d'interventions de chirurgie esthétique par an en France. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'apanage des stars et des gens riches, car elle séduit toutes les classes sociales et de plus en plus d'hommes aussi. Docteur Moisan, vous confirmez ? Oui, en effet. Les hommes représentent 15% de ma clientèle. Quel que soit le milieu d'où l'on vient, on n'hésite plus à se donner une seconde jeunesse, un nouveau-né, une nouvelle silhouette. À mon avis, ce n'est plus un sujet tabou et tout le monde parle aujourd'hui librement de lifting ou de rhinoplastie. Donc les adeptes, les personnes qui ont recours à la chirurgie esthétique sont de plus en plus variées. Oui, tout à fait. Que l'on soit une jeune fille de 20 ans complexée, une jeune mère désireuse de retrouver sa féminité, une femme de 50 ans souhaitant repousser la vieillesse en supprimant les traces visibles du temps, ou encore un homme de 55 ans voulant modifier son apparence, la motivation première de mes patients reste la même, avoir une meilleure image de soi. Et comment se passe votre relation avec le patient ? En quoi est-ce différent de la médecine traditionnelle ? Un chirurgien plasticien doit être aussi psychologue, même si cette matière ne fait pas partie du cursus universitaire de la spécialité. Il ne suffit pas de savoir opérer. Il faut aussi écouter les gens pour que l'opération soit fidèle à la personnalité des patients. Je me suis rendu compte après plusieurs années d'expérience que le désir profond de mes patients vient souvent d'une recherche d'élévation de soi qui passe par le corps. Et puis aujourd'hui, pour conserver sa place dans la société et dans le monde du travail, il faut se distinguer, sortir du lot. Merci, docteur Moisan. Je vous lis maintenant trois témoignages reçus par mail. Véronique, avocate, 56 ans, nous écrit « J'ai fait un lifting l'année dernière car je ne supportais pas de voir ma mère dans le miroir lorsque je me regardais. Et ça, j'avais vraiment du mal à l'assumer. Je n'ai pas fait ce lifting pour me sentir plus jeune car j'assume totalement mon âge. L'idée de vieillir ne me fait pas peur, mais depuis l'opération, j'ai retrouvé une certaine sérénité face à mon image. » Christelle, enseignante, 42 ans, a fait appel à la chirurgie esthétique après ses grossesses. Je lis « Après deux grossesses, mon corps s'est métamorphosé et je n'étais plus du tout la femme mince que j'avais été. J'ai donc décidé d'avoir recours à la chirurgie esthétique et je suis très satisfaite du résultat. Je me sens beaucoup plus épanouie depuis l'opération, même si celle-ci n'était pas une partie de plaisir. » Quant à Patrick, directeur commercial, 54 ans, lui, il préfère son nouveau-né. Il nous écrit « Je ne supportais plus mon nez, ce n'était pas vraiment le regard des autres qui me dérangeait, mais j'avais du mal à me regarder dans le miroir. Lorsque quelqu'un me disait que j'avais de beaux yeux, je n'y croyais pas. Je me demandais comment cette personne arrivait à voir la couleur de mes yeux avec un nez aussi énorme. Depuis que je me suis fait refaire le nez, je me sens mieux. J'ai un poids en moins. »